lorsque le père paraît. La Plymouth Fury, deux portes, pas vraiment familiale, plutôt une voiture de branleur, s'arrête devant Faustine à 16h30 précise. Son père lui ouvre la portière depuis l'intérieur. Elle s'installe. Avant de lui tomber dans les bras pour l'embrasser, elle se tourne vers lui et le regarde. Comme elle s'y attendait, son père est un très bel homme. Il ne doit pas avoir moins de 40 ans. Elle en a 19. Cela suffit peut-être à expliquer son désintéressement d'autrefois. 20 ans plus tôt, il n'était qu'un gamin irresponsable. « Gai comme un Italien, quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. » Enfin, pas tant que ça, puisqu'il a quand même épousé celle qui l'a mise dans l'embarras. Faustine constate qu'il n'a pas comme elle les yeux gris verts. Trahison. Ainsi, maman lui a menti quand elle prétendait difficile d'aimer le portrait vivant de cet homme abhorré. C'était du pipeau, un prétexte de plus pour justifier un manque de tendresse à son égard. Aussi intimidés l'un que l'autre, ils parlent très peu pendant le trajet jusqu'à l'appartement. Son père lui apprend que sa sœur et son frère ne seront pas là ce soir. Cours de danse et entraînement de foot oblige. Faustine, qui comprend maintenant le pourquoi des 3 jours d'attente, apprécie qu'il ait choisi de privilégier leur intimité pour cette première rencontre. Elle regarde autour d'elle. L'immeuble est chic, en centre-ville. L'appartement cosy, 3 chambres à coucher, un salon spacieux sur lequel donne une cuisine ultra-moderne, 2 salles de bain, 1 décoration sobre. Faustine s'installe sur le canapé pur cuir qui occupe la moitié du salon. Son père, appelons-le Rolf, lui propose un café ou un thé. Mais la jeune femme exige, ex abrupto, un whisky, avec glaçon quand même, histoire de se la jouer adulte. D'accord, dit-il en allant chercher la bouteille. Il leur sert 2 bonnes rasades suivies de 2 autres, et, rapidement désinhibés, père et fille se congratulent d'avoir enfin réussi à se rencontrer. Rolf se plaint de n'avoir pas eu la chance de voir grandir sa fille. Faustine lui demande pourquoi il n'a jamais essayé de la retrouver. Il parle de concours de circonstances. Elles ont beau dos, les circonstances, pense Faustine, qui attend la suite. Rolf se lance et raconte. Son enfance épouvantable, dépourvue d'amour, dans une famille déséquilibrée. Oh, il ne manquait pas d'argent, du moins au début, ça, non. Grande bourgeoisie et tutti quanti. En 1940, on les a envoyés à Paris, son frère et lui, dans la famille maternelle, tant on craignait les bombes sur Bâle. Par contre, à la Libération, leurs parents divorcent. La vie des 2 frères devient carrément intenable. Leur seul refuge est alors un petit cirque établi à proximité pour l'hiver. C'est là qu'ils reçoivent quelques miettes de cette chaleur humaine dont ils manquent tant chez eux. Ils y apprennent aussi, en échange de coups de main occasionnels, à jongler, se contorsionner, effectuer divers tours de passe-passe, ouvrir des portes en se passant de clés, qui se révéleront très utiles plus tard. Au cirque, Rolf fera la connaissance de celui qui deviendra son meilleur ami, Hans Peter. À l'époque de sa rencontre avec la mère de Faustine, le jeune homme travaille comme mécanicien dans un important garage bâlois. Il y gagne honorablement sa vie. Un jour, son chef l'emmène tester une Jaguar. Les freins lâchent. Ils sortent de la route, font plusieurs tonneaux, sont heureusement éjectés sans une égratignure. Par contre, la voiture est naze. Le chef, marié, 2 enfants, ne peut se permettre de perdre son job. Il demande à son mécano de prétendre que c'est lui qui conduisait. Rolf accepte. Il est renvoyé séance tenante sans référence. Il est encore au chômage quand il épouse la maman de Faustine, enceinte de 6 mois. Le jeune couple accumule les erreurs de gestion avant de se rendre compte qu'il ne perdurera pas. Ils se séparent 6 semaines à peine après la naissance de Faustine. Rolf, fuyant la Suisse afin d'éviter la prison pour dette, embauche comme mécano sur un bateau qui rallie le Canada. Il a accepté d'être définitivement séparé de son enfant. Son ex a rencontré quelqu'un et ne veut pas d'un second père, fut-il légitime. À Montréal, Rolf travaille comme mécanicien sur un bateau battant pavillon suisse. Pour agrémenter sa paye, il fait de la contrebande avec d'autres marins entre Montréal, Cuba et quelques petites îles entre deux. Le père de Faustine s'allume une pipe avant de poursuivre, en lui décrivant les nuits sans lune, les alertes, les projecteurs des gardes-côtes, les chargements de cigarettes jetés à bâbord pendant que les douaniers accostent à tribord. Leur dernier coup, remplacer le contenu de tous les extincteurs du cargo par un millier de litres de rhum. L'intégralité de l'équipage est remplacée lorsqu'on découvre le poteau rose à cause d'un début d'incendie, flambé au rhum dans les cuisines. Pauvre cuistot qui n'a rien vu venir. Faustine écoute bouche bée. Son père est un héros, un véritable aventurier. Son homme frais Bogart à elle. Mieux, son Geoffrey de Perrac déguisé en surcouvre. La classe! Elle était sûre d'avoir des ancêtres au sang bleu. Et la voilà fille de pirate. N'est-ce pas merveilleux? Toujours plus admirative, elle l'écoute conter la suite. Sans travail, Rolf retrouve la Suisse 2 ans après l'avoir quittée. Comme il est toujours recherché pour dette, il passe la frontière dans le coffre de la voiture de Hans Peter, se fond dans la ville. Enfin, il rencontre Pierrette, la femme qu'il aime aujourd'hui, la mère de ses enfants. Sacrifiant ses économies, elle l'aide à se mettre en règle avec la justice. Mais il fera quand même un petit peu de prison. Elle lui permet de prendre un nouveau départ. Il monte l'entreprise de déménagement qu'il dirige aujourd'hui et qui tourne si bien que tout se fait de bouche à oreille. Il n'a même pas besoin de mettre des petites annonces. Il faut dire que Pierrette est dotée d'une voix tellement envoûtante que tous ceux qui appellent pour demander un devis sont sous le charme, ne cherchant pas plus loin. C'est QFD. D'ailleurs, quand on parle du loup, voilà Pierrette qui rentre les bras chargés de ravitaillement. On se régale, et cette fois, on boit du thé. Pour Faustine, Rolf et Pierrette complètent le puzzle de leur histoire. Pierrette a 14 ans, en juillet 1945, lorsqu'un soldat allemand jette une grenade sur leur maison, tuant sa mère enceinte de 8 mois et blessant gravement son petit frère à la cuisse. Son père panse le gamin du mieux qu'il peut, puis ordonne à son aîné de fuir en direction de la Suisse, retrouver un oncle. Lui-même va distraire les cheleux pendant ce temps. Il les rejoindra plus tard s'il ne se fait pas tuer. Pierrette parvient à bon port après des jours et des nuits de marche dans les forêts des franches montagnes. Après la guerre, la jeune femme travaillera dans la restauration, se mariera avec un richissime vigneron suisse. Elle ira étudier l'esthétique à Paris, maquillera Michel Morgan, Brigitte Bardot, entre autres, connaîtra bien des aventures, avant d'aboutir à Bâle, divorcée et disponible. Rolf et elle ont 2 enfants, Fabienne en 63, Marc en 65. Ils traversent ensemble quelques épreuves, dont ce terrible accident qui manque de coûter la vie à Marc lorsqu'il a 4 ans. Tombant du toit plat d'un petit immeuble sur lequel il joue au foot avec un copain, il atterrit sur le bitume et sur la tête. Qu'il n'en soit pas mort reste un miracle. Des semaines de coma et plusieurs opérations plus tard, il s'en sort quasiment sans séquelles. Les histoires de famille se succèdent. Rolf et Pierrette vident leur sac. Plus récemment, c'est la grand-mère paternelle qui a fait souci. La vieille dame, mauvaise comme une teigne, leur en a fait voir de toutes les couleurs avant d'aller enfin rejoindre le bon Dieu. Faustine entend encore maman lui dire que la grand-mère était devenue folle, tant son mari l'avait maltraitée avant leur divorce. Longtemps, la fillette avait été terrifiée à l'idée de finir comme elle, certaine que c'était héréditaire. Elle entend ici un tout autre son de cloche. Apparemment, c'était elle, la méchante. Il y a donc une version différente par adulte. Chacun refait l'histoire à sa manière. Qui dit la vérité? La soirée se termine dans de grandes effusions. On se permet de rattraper le temps, c'est sûr. Seul problème, Fabienne et Marc ne sont pas encore au courant de l'existence de Faustine. En conséquence, Rolf demande à sa fille de partir avant qu'il ne rentre et de revenir la semaine suivante. Il aura eu le temps d'ici là de tout leur expliquer.